On va parler avec notre ami Simon Boisvert. Je vais dire exactement ce qu'on a dit, parce que pour les gens on a commencé, on a enregistré le podcast, la revue de la Ligue nationale avec Marc Fortier, puis on a eu un bon débat, puis je vais l'amener avec mon ami Simon Boisvert, puis j'ai posé la question à Simon à dehors des ondes, puis je vais la poser en ondes, puis je la connais la réponse, hein. C'est qu'en fait, vous n'avez peut-être pas entendu le podcast avec Marc Fortier, vous allez l'entendre d'ici une journée ou deux. Je demande à Marc et je dis à Marc que je donne à peu près 3,5 sur 10 à Marc Bergevin pour les 12 ans qu'il est à Montréal. Évidemment, on parle de la revue de l'année. Et Marc, lui, il dit que c'est beaucoup plus que ça. Puis là, ben, les arguments, j'arrive avec mes arguments. Les contrats qu'il a donnés, le club, ça fait 5 ans qu'ils ne font pas les séries. Tu ne peux pas dire que Marc Bergevin est un bon directeur général. Tu ne peux pas dire ça, là. Et ça donne une bonne discussion avec Marc Fortier. Et je vais poser la même question à Simon Boisvert pour le fun, rapidement, c'est pas parce qu'il n'y a pas le sujet. Simon, toi, les 10 ans sur 10, Marc Bergevin? À cause de la COVID qui a Ouais. occasionné indirectement la présence en finale, je suis obligé de lui donner 4 sur 10. OK. Mais si tu enlèves, mais si tu Là, enlèves t'es la dur en COVID, maudit. Ouais. non, mais si tu enlèves la COVID puis tu regardes là, toutes les années qui ont manqué les séries, je lui donne 1 sur 10. Premièrement, la demi-finale de 2014, c'était un club qui avait été déjà bâti par Ouais. Pierre Gauthier et puis Bob Gainey. Et le reste du temps, bien, le Canadien a pas mal vivoté. Et la grosse raison pour laquelle je vais faire perdre des points, en fait, il y en a deux. Il y en a une qui est majeure. Trevor Premièrement, c'est Timmons. d'avoir gardé Trevor Timmons. Ouais. OK, il y avait le choix en 2012 de le garder ou pas. Il l'a gardé. Et on a vu ce que ça a donné du côté recrutement et développement. Et la deuxième raison, ben, c'est les dégâts qu'il a laissés en arrière. Quand je parle de dégâts, je parle de à peu près tous les contrats qu'il a donnés. Alors, je sais que les gens disent, ah, il a fait des bons échanges. Oui, mais faire des bons échanges, ça ne veut pas dire nécessairement que tu sais comment former un mix dans ton équipe. Tu sais, tu regardes les défenseurs, il n'y a pas de puck mover. Tu sais, un gars comme Quinn Hughes aurait certainement aidé si on l'avait repêché en 2018. Je sais qu'il y a ses lacunes défensives, mais tu sais, à un moment donné, ça prend un mix dans ton équipe. Tu mets Joel Edmondson avec Quinn Hughes, ça aurait fonctionné. Alors, enfin, il y a toutes sortes de raisons comme ça, mais je te dirais les principales, là, c'est avoir gardé Trevor Timmons et les contrats à Gallagher, Petrie, Carey Price, toutes les choses aujourd'hui avec lesquelles Jeff Gordon est obligé de composer. Marc Fortier dit qu'il n'avait pas le choix Gallagher parce que moi j'ai dit que Gallagher c'est le type de gars, le type de joueur qui joue gros, qui tu peux pas qu'à 30 ans il va être fini. S'il avait échangé Gallagher il y a 2 ans, là, il aurait pu obtenir pas mal en retour. Mais bon, écoute, Marc Bergevin, il aimait certains joueurs et puis, tu Et sais, c'est à un ça moment le donné, problème, c'est il aime trop, c'est un des problèmes, Marc Bergevin, c'est qu'il aime trop son monde. c'est ça. Moi, peut-être que si j'avais été à sa place, peut-être que je n'aurais pas été assez émotif. Lui, peut-être que lui, il l'est trop. Bon, championnat du monde de hockey junior, Canada. Écoute, Canada, c'est en Alberta encore une fois, à Edmonton, 50 % de la capacité qu'on dit. Comment tu vois ça? On dit que les Russes vont être forts. Oui. On dit ça à chaque année, puis finalement, c'est très rare qu'ils gagnent. Moi, je te dirais Les que. Américains, encore une fois, ça reste les Américains. Va-t-on Oui, être les Américains, compétitif? c'est les Américains. Ils ont quand même des joueurs de défense qui sont excellents. Tu OK. sais, juste mettre Jake Sanderson sur la glace pendant 25 minutes Ça, dans c'est un le fils match. de Jeff Sanderson qui appartient au sénateur, je pense, hein? Oui, c'est le fils de Jeff, et puis un aussi rapide patineur que son père. Et puis, on va le voir, c'est le patineur le plus élégant et le plus rapide de tout. Il est bon défensivement et il est capable de contribuer en attaque. C'est vraiment le général à la ligne bleue. Il pourrait être dans la Ligue nationale en ce moment. Il Le appartient au Canada sénateur, je va. pense, hein? C'est ça, hein? Oui, il va arriver avec les Sénateurs à la fin de sa Un autre saison au bon joueur. mois Et d'avril. avec Thomas Chabot, ça va être bon, ça? Oui, je ne sais pas si. Probablement qu'on va les séparer, mais parce que c'est deux gauchers, mais bon, enfin. Du côté du Canada, ben, on peut quand même contrer Sanderson avec Owen Power et Caden Goulet. Alors, si tu mets 20-25 minutes Sanderson, Power, 20-25 minutes Goulet, ben, tu t'assures d'une bonne paire de défense presque 60 minutes dans le match. Du côté de l'attaque, je pense que le Canada va être très fort. Peut-être qu'il n'y a peut-être pas la profondeur en attaque qu'ils ont eu dans les années précédentes, mais le top 6 est très bon. Alors ça, je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Du côté des Américains en attaque, il y a des bons joueurs, mais si les Américains gagnent, il va falloir qu'ils jouent un match comme ils ont joué en finale l'an dernier puis essayer de gagner 2-0. Okay. Parce que un match de 13 ouvert qui pourrait finir 6-4, je pense que le Canada les battrait. OK. Donc, Canada devant le filet défensivement, Goulet, c'est très solide. Avec Kevin Goulet, Owen Power, qui est passé au sol de Buffalo, l'attaque, évidemment. Un gars comme Shane Wright va être à surveiller, évidemment, pour les partisans du Canadien. Connor Bedard fait partie de l'équipe parce que on dit tout le temps qu'un championnat du monde, c'est un championnat du monde de 19 ans. Mais est-ce qu'à 16 ans, c'est un exceptionnel, Connor Bedard? Est-ce qu'il pourrait être intéressant? On dit que dans l'Ouest, c'est plus ou moins, il connaît une saison moyenne, mais écoute, le gars, il a 16 ans quand même. Il ne faut pas trop y en mettre non plus. Oui, je pense que l'idée de la saison moyenne, c'est plutôt en termes de production de points. Il y en a qui s'attendaient à plus. Mais l'affaire, c'est que pour avoir... Il faut pas oublier ça, là. Pour l'avoir regardé énormément, là, les chances de marquer sont là. Et alors moi, ça ne m'inquiète pas qu'il y ait peut-être un petit peu moins de points qu'il aurait dû avoir. Moi, je trouve que sa progression est excellente. Et de là à dire s'ils vont faire jouer beaucoup au championnat junior, ça, c'est une autre paire de manches. Les joueurs de 16 ans, historiquement, ne jouent pas beaucoup, même si c'est Nick Crosby. Alors, disons que je ne compterais pas sur lui. Mais il est possible peut-être que le coach le fait jouer un peu plus contre des équipes plus faibles où on va rouler quatre trios. Alors, ce sera à lui de prouver. Écoute, dans les matchs préparatoires, il a été excellent. Alors, on verra qu'est-ce que ça donne au tournoi. Mais je pense qu'on va surtout compter là, sur les vétérans de 19 ans, là, comme Cole Perfetti, entre autres, et puis Ken Johnson, et puis ces gars-là. OK. Simon, merci beaucoup. On se retrouve en finale Canada-États-Unis. C'est toujours dur à prédire. C'est des éliminations d'un match, mais je me risquerais à dire qu'on va avoir une belle finale Canada-États-Unis le 5 janvier. On l'espère en tout cas. Okay. Snake, joyeuse fête. Merci beaucoup. Au plaisir de se parler. Puis je suis bien content de t'avoir comme collaborateur. Joyeuse fête, ça me fait plaisir, Danny. Simon Snake Boisvert, qui nous parlait des championnats du monde de hockey junior qui débutent le 26. Il y a un match ce soir, un match hors concours. Merci, Simon. Fait que joyeuse fête. C'était une bonne discussion, mais tu peux pas dire que Marc est Marc Bergevin, en tout cas. Moi, c'est mon opinion. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai trouvé que ça a été un règne assez médiocre, là. Ouais. Le gars avait quand même des outils quand il est arrivé. T'sais. Il y avait Price, Pacioretty, Subban, Gallagher, Markov, Plekanec. Puis le choix numéro 3 overall. Il y avait quand même quelque chose pour bâtir. Il aurait pu échanger Markov, il aurait pu échanger Plekanec à ce moment-là, qui valait beaucoup. Pour d'autres jeunes, il aurait pu grossir la banque et essayer de se monter un club, mettons, comme les Blackhawks l'avaient fait à l'époque. Il a choisi, lui, de pas mal le statu quo. Puis après la première saison, je me rappelle, il avait commencé à signer des gars comme Daniel Brière. Puis là, je m'étais dit, où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là? Fait que c'est là qu'on voyait que le gars n'était pas prêt à donner un vrai coup de barre pour remonter le Canadien à un niveau où, mettons, en 2016-2017, le Canadien aurait pu devenir une puissance. Ouais. Il y avait les outils pour former une puissance. Ben, tu avais Subban, tu avais Price, tu avais Pacioretty, tu avais Gallagher, tu avais quand même... Tu avais Markov et Plekanec. Un bon noyau pour commencer. Beaucoup plus que Gorton va avoir. Oui, puis les contrats n'étaient pas... Il n'était pas handicapé par des contrats épouvantables. Moi, je pense qu'il avait hérité d'une belle job et il a laissé une sale job à Jeff Gorton. À cause de la masse salariale à cause que Price ne sera pas échangeable, Gallagher va être dur à passer. Même Petrie va être dur à passer. Oh mon Dieu, oui. Ils vont pas mal en passer, mais il va falloir encore que la COVID, on ne sait pas. OK, mais Simon, on s'en reparle. Ils vont faire un tournoi à 32 équipes. Regarde, moi, là, c'est comme je disais à Marc Fortier, là, regarde, ça va être correct, la bulle. Là. La bulle canadienne, là, qui s'en allait en Floride tant qu'à ça, puis qui a joué en Floride, puis qui... Ouais. OK, c'est beau, on s'en reparle. Joyeux Noël, bye. Joyeux Noël, toi aussi.